J'habille ma pute en Versace. À minuit la prison m'appelle. Polo pas six dans la tête. Ils ont parlé ça ouais mais c'est pas vrai. Trois clés dans un OD. Oh, six ça va contre ta tête. Elle est pas meilleure toujours à mettre. Qu'elle me dit que chez son effet. Vrai donc chez qui sont les fakes. T'es toujours cul entre des chaises. J'suis très bien assis dans ma Benz. Le plan A nécessite le B. Cagoulé automne et focalisé sur le cash. Ramène du bif et des tasses. Un kilo en fait deux, deux kilos en font trois. C'est toujours l'équipe qui ramasse. Y'a des voitures bizarres au quartier. J'te terre un sac et la crise ramène. Ah mais si si comme le GIGN. On s'est visé, y'a pas de problème. Ouais. J'refais le monde avec mes rêves. J'refais le monde avec tes œufs. Pour apaiser mes plaies, pour oublier mes peines. J'refais le monde avec mes rêves. Tout va bien ma chérie si on s'aime. Et sans condition. La mort va nous séparer, on le sait. J'habille ma pute en Versace. À minuit la prison m'appelle. Pour un pas six dans la tête. Ils ont parlé sur moi mais c'est pas vrai. Trois clés dans le OD. On va se tuer pour les ondes. J'habille ma pute en Versace. Maintenant je sais bien qu'il me haïs. Plus rien à foutre on est high. La vérité je suis mieux ailleurs. La vérité je suis mieux ailleurs. Plus rien à foutre, on est high. Maintenant, j'sais bien qu'il me haïs. C'est la rue, le haut du panier. C'est le crime et le haut standing. 44 dans mon jean. 44K comme mon bling. Au lycée, savon dans le casier. Que la frappe, c'est Marseille, bébé. 14-15e arrondissement. Mon fric sans bon l'assouplissant. J'vais ici, moi, et j'rôle ici. Bétonneur et tueur sympa. J'ai sapé ma pute en Versace. Sans balai, tu me joues les embas. On met la moelle, t'es dans les sachets. Après la descente, on descendra. Prends ta pièce et ta cesse-là. On prend la tête et la fesse-là. Je refais le monde avec mes rêves. Je refais le monde avec tes sèches. Pour apaiser mes plaies, pour oublier mes peines. Je refais le monde avec mes rêves. Tout va bien ma chérie si on s'aime. Et sans condition. La mort va nous séparer, on le sait. J'habille ma pute en Versace. À minuit la prison m'appelle. Pour la passive dans la tête. Ils ont parlé sur moi mais c'est pas vrai. Trois clés dans le OD. On va se tuer pour les ondes. J'habille ma pute en Versace. Maintenant j'sais bien qu'il me haïs. Plus rien à foutre on est high. La vérité j'suis mieux ailleurs. La vérité j'suis mieux ailleurs. Plus rien à foutre on est high. Maintenant j'sais bien qu'il me haïs. Maintenant j'sais bien qu'il me haïs. Maintenant j'sais bien qu'il me haïs. C'est la rue, le haut du panier. C'est le crime et le haut standing. Maintenant j'sais bien qu'il me haïs. 44K comme mon bling. Au lycée, savon dans le casier. Que la frappe, c'est Marseille, bébé. 14-15e arrondissement. Mon fric sans bon l'assouplissant. Mon fric sans bon l'assouplissant. Maintenant j'sais bien qu'il me haïs.